Donc aujourd'hui, je m'entretiens avec le sociologue Pierre Moutarde à propos des élections au Chili et au Honduras. Mais d'abord, on écoute la chanson El Bucero de Café Juan Casco. Cinco y treinta en la mañana, me levanto de la cama hoy con un gomón de miedo y con un fuego en la garganta. Y siete y treinta vamos sueltos, una dosis de alimento, una coca, una semita y un royal. Ay mami, córrase pa'l medio, bajan, bajan, suben, suben, ese compa ay se me fue sin pagar. Está vacío su ballet y traiga suelto por favor. En esa silla caben tres y son dos filas para dos. Su ballet irse a Carrizal, baje en la brisa al juez central y agárrese bien porque vamos a soplar. Ese man bien enrollado, anda ponetele al lado, que un pique a estas horas no está mal. Hay que darle un buen trasmoche a ese chepo que en la noche en contravía y bien a pija nos cogió. Y está vacío su ballet y traiga suelto por favor. En esa silla caben tres y son dos filas para dos. Su ballet dips a Carrizal, baje en la brisa es el central y agárrese bien porque vamos a soplar. Y ahora estoy bien reventado, no tengo ni para el octavo y por joder estoy fichado, hasta la jeva me ha dejado. Mejor me voy pa' la chante antes que rendirle cuentas a la vida que me pasó, a la vida que me pasó, que me pasó dentro de un maldito bus. Está vacío su ballet y traiga suelto por favor. En esa silla caben tres y son dos filas para dos. Su ballet dips a Carrizal, baje en la brisa es el central y agárrese bien porque vamos a soplar. Y agárrese bien porque vamos a soplar. Y agárrese bien porque vamos a soplar. Pierre Moutarde, bonjour. Bonjour. Très entraînante cette musique, n'est-ce pas? Oui. Café Juan Casco est quand même relié au Honduras. Ils ont, d'ailleurs, si on fouille un peu sur ce groupe, on s'aperçoit qu'ils ont eu des démêlés avec la police au Honduras. On leur a brisé leur matériel, leur équipement, plus de 30 000 $ de dommages. Et ce qui est assez incroyable quand même, c'est que c'est l'entreprise allemande qui leur avait loué de l'équipement pour un spectacle le 15 septembre 2010, qui est une fête, qui est une journée importante, si je comprends bien, une fête importante au Honduras. La compagnie allemande les a poursuivis, eux, plutôt que de poursuivre la police hondurienne. C'est qu'au Honduras, on est dans un système très, très dur, hein, très autoritaire, très policier. Et donc, il y a une espèce de violence à fleur de peau là, qu'utilisent les pouvoirs publics pour se maintenir... pour se maintenir en force là, à la tête de l'État. C'est une anecdote qui en dit long, en tout cas. Je rappelle, Pierre Moutarde, à nos auditeurs, quand vous êtes sociologue, philosophe aussi, vous avez enseigné plusieurs années, je ne sais pas combien d'années, mais de nombreuses années, et vous êtes présentement, disons-le, à votre retraite, retraite active. Oui, active, hein, parce que je continue à écrire, je continue à voyager en Amérique latine, à travailler sur les mouvements sociaux d'origine populaire en Amérique latine. Ouais, vous êtes toujours beaucoup intéressé à l'Amérique latine. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a cette chronique avec vous sur l'Amérique latine. C'est toujours intéressant de vous avoir. D'ailleurs, la première de l'année portait sur le Chili. Et là, on a commencé à parler du Honduras et tout ça, mais on va mettre un petit peu en attente le Honduras. On va d'abord se pencher sur le Chili. On parle de deux élections qui ont lieu bientôt. Là, c'est demain, je crois, au Chili. Alors, au Chili, c'est demain, le 17, et au Honduras, c'est le 24, la semaine prochaine. Et chaque fois, je dirais, dans les deux cas, c'est des élections importantes, lourdes d'enjeux, hein, sociopolitiques importants. Donc, ça mérite qu'on s'y attarde et qu'on regarde un peu derrière les images faciles, là, ce qui est véritablement en cause dans ces élections. Alors, parlons d'abord du Chili, mais surtout de Michelle Bachelet. Oui, alors... C'est quand même intéressant. Michèle Bachelet a déjà été présidente entre 2006 et 2010, mais plus que ça, elle a été connue et célèbre d'une certaine manière parce qu'elle est la fille d'un général qui a été assassiné par la dictature du général Pinochet en 1974. Michèle Bachelet elle-même a été arrêtée, emprisonnée, torturée et par la suite est partie en exil, finalement en Australie puis en Allemagne de l'Est où elle a fait des études de médecine et elle est devenue médecin. Donc un parcours très original et on voit qu'elle est enracinée au moins au point de départ là dans la gauche, dans les courants de gauche et d'ailleurs elle est membre du Parti Socialiste chilien, donc elle est plutôt porteur d'une couleur de gauche au Chili. Mais pendant son mandat entre 2006 et 2010, elle n'a pas été à la hauteur de beaucoup d'espoir là, que la gauche ou que les gens de gauche pouvaient porter en elle. Alors c'est un peu ce qui fait problème et ce qui aujourd'hui doit nous permettre de comprendre un peu cette arrivée nouvelle, cette possible arrivée nouvelle de Michèle Bachelet au pouvoir, puisque elle s'est présentée cette fois-ci là, donc pour des élections, pour faire suite à la présidence de Sébastien Piñera. Avant de parler de cette nouvelle candidature de Michèle Bachelet. D'abord, je vais ouvrir une parenthèse. Quand vous avez évoqué l'Australie, l'historienne en moi n'a pas pu faire autrement que de se rappeler des patriotes qui ont été exilés en Australie. Il y a quand même un parallèle là. Mais peut-être expliquer à nos auditeurs pourquoi elle n'a pas pu se présenter immédiatement. Elle a dû attendre un mandat pour se représenter. Oh, ça, c'est simplement une règle constitutionnelle au Chili. On ne peut pas se présenter comme président deux mandats de suite. Par contre, on peut au Chili, si on attend son tour, le refaire 4 ans plus tard. Alors c'est ce qu'a fait Michèle Bachelet, qui a été élue, ça c'est important, avec 53% en 2006, 53% des suffrages en 2006, qui a terminé son mandat en 2010, qui a pris un break en quelque sorte en allant à l'ONU, en devenant d'ailleurs directrice de l'agence ONU Femmes, une espèce de carrière internationale. Puis elle a démissionné, quitté son poste pour pouvoir se présenter aux élections là, de 2013-2014. Mais ce n'est pas exactement la même coalition, si j'ai bien compris, qui appuie Michèle Bachelet. Alors c'est ça, en 2006, et c'était sans doute une des raisons d'une certaine déception qu'il y a eu dans les rangs de la gauche. En 2006, elle était à la tête d'une coalition de centre-droit dans laquelle se trouvait la très puissante Démocratie chrétienne, qui est un parti de centre-droit. C'est un des partis qui a quand même participé au coup d'État militaire, en tout cas une bonne partie de ce parti, la tendance la plus importante, majoritaire, a participé au coup d'État, à favoriser, disons, à encourager le coup d'État militaire du général Pinochet en 73. Donc c'est un parti très, très traditionnel. Et il s'est fait une alliance entre les socialistes, le PPD, le Parti pour la démocratie, et la démocratie chrétienne, donc en 2006, qui a permis à Michèle Bachelet d'arriver au pouvoir, mais avec, un appui en termes de députés et de sénateurs qui n'était pas nécessairement favorable à des réformes très en profondeur. Et c'est ce qui montre, c'est ce qui explique un peu le bilan demi-teinte de son premier mandat, où elle a fait quelques réformes, mais très, je dirais, finalement souvent cosmétiques ou peu importantes sur le fond, et qu'elle a plutôt accepté et endossé le modèle néolibéral classique fait de privatisation, de déréglementation, d'ouverture sur les marchés, et d'une part aussi les legs constitutionnels de la dictature. Ce qui fait qu'en fait, en termes de réformes, il n'y a pas eu de très grandes réformes sous son premier mandat. Ouais, c'était assez étonnant d'ailleurs de voir qu'elle suivait à peu près à la lettre les directives du FMI. Là. Mais là, elle va avoir les coudées un peu plus franches, c'est ça? Alors là, c'est parce qu'entre son départ et puis aujourd'hui, il y a eu le règne du président Sébastien Piñera, qui était ouvertement de droite, un partisan de la dictature en son temps, et donc qui a mené des politiques néolibérales très très très très actives, si je peux dire, très très intenses, très très fortes, et qui a soulevé une véritable, je dirais, qui a réveillé une véritable, qui a réveillé les mouvements sociaux et qui a réveillé donc qui a une véritable ébullition sociale dans son pays et qui s'est notamment caractérisée par un mouvement étudiant extrêmement puissant qui a eu l'appui de toute la société entière en 2011. Et d'ailleurs, ce mouvement étudiant chilien a beaucoup servi de modèle et de stimulation au mouvement, québécois, une année plus tard. Et donc ce mouvement a mené toute une bataille contre les politiques néolibérales de Sébastien Piñera, mais aussi de la Concertation qu'avait dirigé quelques années auparavant Michel Bachelet, voulant notamment qu'en termes de l'éducation, l'éducation ne soit plus fondée sur cette logique du profit, sur cette logique du lucre, mais puisse au contraire revenir aux principes traditionnels d'une éducation comme service public, comme service gratuit, comme service disponible à toutes les individus, à toutes les personnes constituant la société, quels que soient les moyens financiers dont elles peuvent disposer. Donc, on va suivre avec beaucoup d'intérêt l'élection de demain au Chili. Alors, c'est ça. C'est que, justement, ce qui est arrivé, ce qui rend un peu les choses compliquées, c'est que Michel Bachelet se présente cette fois-ci, mais en ayant un certain nombre de propositions, cette fois-ci beaucoup plus avancées qu'elle ait pu en avoir en 2006. Notamment, elle propose une éducation gratuite depuis le primaire jusqu'à l'université. Elle propose une réforme de la fiscalité. Elle propose même une réforme de la Constitution. Donc, c'est un projet très ambitieux qui essaye de se mettre en syntonie avec les aspirations sociales qui sont réveillées sous Sébastien Piñera. Et toute la question, c'est est-ce qu'elle va être capable de les appliquer, en tout cas de les mettre en pratique, toutes ces promesses. Et c'est loin d'être sûr, notamment parce qu'elle est encore avec la démocratie chrétienne, la très puissante démocratie chrétienne, et tout va dépendre finalement en termes de députés et de sénateurs, la majorité réelle qu'elle aura, parce que pour faire une quelconque réforme importante au Chili, il faut avoir pas simplement la moitié des députés ou la moitié des sénateurs, mais environ trois quarts des députés et des sénateurs pour pouvoir entreprendre des réformes de fond ou structurelles. Ah, c'est un peu compliqué, si je comprends bien. Mais on va suivre ça avec intérêt, mais on peut faire un parallèle avec le Honduras, parce que quand même au Chili, il y a encore des relents de la dictature, mais c'est quand même relativement démocratique comme pays. Mais le Honduras, c'est beaucoup plus difficile. Voilà, c'est-à-dire dans les deux cas, aussi bien au Chili qu'au Honduras, ce qu'on voit à travers ces élections, c'est la difficulté de mener des transformations de fond. Alors c'est sûr que Le Chili est revenu à la démocratie, et fut-elle une démocratie sous tutelle militaire, mais est revenu à la démocratie depuis un certain nombre d'années, alors que le Honduras a connu un coup d'État, et ça c'est important pour resituer un peu le contexte des élections au Honduras, là, qui auront lieu le 24 novembre prochain. Ouais. Le Honduras a connu un coup d'État militaire en 2009 qui a renversé le président élu légitimement, qui s'appelait Manuel Zelaya, et qui n'était pas du tout un président gauchiste ou d'extrême gauche, mais un président plutôt du centre, et qui, à la fin de son mandat, il avait été élu en 2006, avait pris un certain nombre de positions un peu plus à gauche. Donc on pourrait le situer globalement comme étant du centre-gauche ou d'un centre-gauche modéré. Mm-hmm. Mais quand même, à la fin de son mandat, il avait pris un certain nombre de positions cherchant à ce que son pays, le Honduras, puisse adhérer à l'ALBA. L'ALBA, vous savez, c'est une alliance qui regroupe une alliance économique, d'échanges économiques qui regroupe le Venezuela, l'Équateur, la Bolivie, le Nicaragua. Donc, toute une série de pays qui sont plus à gauche. Et en même temps qu'il proposait ça, que son pays, donc le Honduras, puisse rejoindre l'ALBA, il propose aussi un référendum portant sur une constituante, sur l'élaboration d'une constituante qui permettrait de renouveler, de réformer en profondeur la constitution hondurienne actuelle. Et ça a été pour les élites honduriennes très traditionnelles, très à droite, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, et donc les forces armées sont allées le kidnapper, ont attaqué sa maison, c'était le 29 juin 2009, l'ont kidnappé alors qu'il n'était pas encore, il était encore dans son lit, l'ont kidnappé en pyjama, enfin, l'anecdote a fait le tour du monde, et on l'a envoyé au Costa Rica. Et là, toutes les forces, je dirais, de la droite hondurienne, l'armée, l'Église, avec le fameux monseigneur Maradiaga, très connu, l'oligarchie terrienne, les groupes industriels les plus puissants, se sont tous ligués pour en finir avec ce président qui paraissait dangereux et qui remettait en cause un peu les, selon eux, hein, le, leurs intérêts les plus profonds. Ouais. Alors, finalement, là, à ce moment-là, on attendait beaucoup, à cette époque-là, on a attendu beaucoup de, du président Obama qui venait d'être élu en pensant qu'il aurait peut-être une attitude différente ou qu'il influerait la diplomatie américaine de manière différente à ce que pouvaient faire ses prédécesseurs, mais pas du tout. Finalement, Obama a plutôt soutenu le coup d'État, ou en tout cas, sans le soutenir ouvertement, n'a rien fait véritablement. Et la situation s'est résorbée simplement. Zelaya n'a pas pu revenir au pouvoir, mais il y a eu une nouvelle élection où un président de pacotille, si je peux dire, Porfirio Lobo Sosa, là, qui était du Parti National, a été réélu en novembre 2009, donc 6 mois après le coup d'État. Et malgré tous les efforts de Manuel Zelaya et pour pouvoir revenir au pouvoir, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en juillet 2009, il y a eu une grande marche où il a essayé de rentrer au Honduras par la frontière. Je me rappelle. Voilà, oui. C'est ça. Ouais. Et bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas pu marcher. Et en fait, c'est parce qu'il n'a pas eu l'appui. Il n'a pas eu l'appui des États-Unis pour empêcher ce coup d'État. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est le contexte général. Mais ce qui est intéressant, c'est son épouse, Xiomara Castro, se présente aux élections, à ces élections-là. Et Xiomara Castro, c'est celle qui a organisé, qui était à la tête de la résistance à ce coup d'État militaire et qui a rassemblé un peu tous les mouvements sociaux d'origine populaire, toute la gauche, pour mener la lutte à cette nouvelle dictature, hein, de facto militaire, bon, qui peut avoir une dimension civile, là, puisqu'il y a eu une élection, mais une élection qui n'a pas été propre, qui n'a pas été transparente, qui n'a pas été reconnue par les pays latino-américains, et donc qui fait qu'on se trouve de facto sous une dictature. Et alors, c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, le candidat, disons, de l'oligarchie, Juan Orlando Hernández, traînait la patte en termes de sondage jusqu'à tout récemment derrière Xiomara Castro. Et ces temps-ci, là, les derniers sondages les mettaient à 2 points de différence l'un de l'autre. Donc il y a objectivement des chances, quand même un certain nombre de chances, pour que Xiomara Castro puisse, ou a des chances en tout cas, puisse être élu la semaine prochaine. Alors on imagine bien sûr qu'au Honduras, toute la droite s'est liguée contre elle. C'est ce que j'allais dire, parce que si les sondages ont... En tout cas, il y a comme quelque chose qui s'est passé. Là, Mais c'est parce qu'il y a eu une exaspération aussi d'une grande partie de la population devant cette situation. Le Honduras, c'est un pays relativement pauvre. 62% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. À peu près 8 millions comme au Québec, hein, c'est ça? Voilà, c'est 8 millions, mais donc de larges secteurs de la population qui vivent sous la ligne de pauvreté, sous le seuil de pauvreté. Vous avez aussi une violence endémique. Vous savez, déjà au Venezuela, on disait que c'était un pays extrêmement violent, avec 48 homicides ou morts violentes pour 100 000 habitants. Eh bien, ce chiffre est dépassé au Honduras actuellement, qui est considéré comme étant le pays le plus violent de l'Amérique latine. Donc il y a toute une série de, si vous voulez, de facteurs, d'indicateurs qui montrent qu'il y a une situation très, très tendue et très inéquitable, très injuste en Honduras, et qui explique que donc la candidature de Xiomara Castro puisse avoir un espèce d'appui populaire important. Et c'est pour ça que c'est important de suivre là, cette semaine, ce qui va se passer, parce que c'est sûr que la droite est très revancharde, très vindicative, et c'est pas du tout sûr qu'elle accepte facilement, qu'elle accepterait facilement une victoire électorale. Donc il peut y avoir des manipulations au moment du vote, il peut y avoir toute une série de scénarios. Jusqu'à présent, la droite s'est caractérisée par des attaques violentes, des assassinats sélectifs, par de l'intimidation systématique autour des candidats. Mais Xiomara Castro est une femme extrêmement courageuse et pour l'instant, elle a résisté à tout cela. Ouais, et là, elle a des appuis, là, vous en avez parlé, là, elle a réussi à regrouper autour d'elle toutes les forces de gauche, c'est ça que je comprends? Voilà, toutes les forces de gauche et puis en même temps des secteurs libéraux qui veulent la démocratie. Qui veulent plus de démocratie plus ouvert, et qui trouvent surtout que le Honduras, depuis ce coup d'État et puis cette tentative de maquiller ce coup d'État en nouveau régime civil, s'est isolé en termes diplomatiques, en termes internationaux. Et, et qu'il serait temps de passer à autre chose. Alors c'est un peu toutes ces forces-là qui pourraient peut-être faire la différence, mais il faut suivre ça de très très près, rien n'est gagné a priori. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Moutarde. Le temps file. On aurait pu parler longuement du Honduras, entre autres le lien avec le Nicaragua et tout ça, mais bon, on pourra peut-être y revenir éventuellement. Mais on va se dire, nous, à une prochaine. Voilà. Très bien, ça m'a fait plaisir. Au revoir. Merci, au revoir.